Charlie & Co. Charlie and Co. Charlie & Co. En décembre, l'association Le Didlo, dont la mission est d'accueillir les familles et amis de personnes détenues en attente de parloir, fêtait ses 40 ans. L'occasion pour Antonin d'aller à la rencontre des bénévoles et bénéficiaires. Reportage. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'association du Didlo qui a été fondée en 1983, notamment par Suzanne Barral et Marie-Jeanne Poisson, et qui fête aujourd'hui les 40 ans de l'ouverture de son premier local. C'était le 17 décembre 1984, à l'époque au sein de la prison Charles III. Donc depuis, l'association s'est développée, elle a aussi changé. Elle a notamment quitté le centre-ville de Nancy avec la fermeture de la prison Charles III pour se trouver désormais à côté du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Et donc depuis 40 ans, le Didlo poursuit inlassablement ses missions d'accueil, de soutien et d'accompagnement des familles et des proches de personnes détenues. Michel Marchal, bonjour, vous êtes président de l'association du Didlo. Bonjour, oui, je suis effectivement président de cette association depuis 6 ans. Quelle est votre histoire et votre rapport personnel au Didlo ? Mon histoire, elle est relativement simple, dans le sens où j'ai connu Marie-Jeanne Poisson et Madame Barral comme fondatrice de cette association, alors que j'étais moi-même assistant social à la maison d'arrêt de Nancy. Donc, il y a de ça en 1979. On a œuvré ensemble, mais je n'ai pas participé, pratiquement pas du tout, à la fondation du Didlo. On avait un travail en détention, mais on travaillait en partenariat quand même. En tant que service social, on allait au Didlo pour recevoir des familles, rencontrer des familles du temps de Charles III. Et puis, les années ont passé, je me suis retrouvé en retraite. Et il y a 6 ans, Marie-Jeanne Poisson, prenant de la distance par rapport à l'association, pour des raisons personnelles, est venue me solliciter pour voir si je voulais prendre la suite. J'ai dit oui, et c'est comme ça que je me suis retrouvé président du Didlo il y a 6 ans. 40 ans d'existence, combien de familles et combien de détenus a accompagné l'association du Didlo ? Je ne sais pas si vous avez des chiffres. Aucune idée précise, en tout cas, des centaines de familles et certainement des milliers de personnes sont passées au Didlo. Hommes, femmes, enfants, des amis, des connaissances de personnes qui étaient détenues. C'est un flot continu de personnes, parce que par définition, la prison, l'enfermement est en progression exponentielle. Donc on voudrait bien qu'un jour ça s'arrête, mais c'est bien sûr, comme les restaurants du cœur, c'est une illusion pour l'instant. On a un autre axe d'intervention, c'est qu'on est habilité à accompagner des mineurs. Parce que pour venir en détention et pour venir visiter quelqu'un, il faut être majeur ou alors mineur et accompagné par un majeur. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de personnes à qui les juges ou le parquet éventuellement ne donnent aucune autorisation de visite avant longtemps. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un se substitue, un adulte se substitue aux parents qui ne peuvent pas venir par exemple. Donc ici on a 8 ou 9 personnes qui sont formées et qui sont agréées par l'administration pénitentiaire pour venir accompagner un enfant, voir son père, sa mère, son oncle en détention. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au sein de cette prison, il y a un quartier de femmes, de mères aussi, susceptibles de mettre au monde des enfants. Donc, les mères qui sont détenues enceintes accouchent, mais elles accouchent donc en milieu hospitalier, à Nancy. Et quand elles reviennent avec l'enfant, on leur propose, au bout de quelques mois, de pouvoir sortir pour socialiser l'enfant avec la crèche Botson qui est sur le plateau. Il y a un partenariat là aussi. Une ou deux fois par semaine, les bénévoles sont habilités à venir chercher l'enfant en détention avec l'accord de la mère, avec une préparation. pour emmener l'enfant à la journée entre 10h du matin et 15h, 16h l'après-midi, où l'enfant en très bas âge peut commencer à être socialisé, sinon il peut vivre jusque 18 mois ici sans voir personne. Ça, c'est une bénévole, Martine Poutas, qui n'est plus dans l'association parce qu'elle est âgée et qu'elle a des difficultés, mais qui a été à l'origine de ça, et moi ça je veux vraiment le signaler, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Voilà. Imaginons, j'ai un proche en prison, j'entends parler du Didlo, donc j'arrive devant votre local où on se trouve actuellement. Alors comment ça se passe concrètement ? Eh bien, vous avez des places de parking quand il y a de la place, hein, les jours de parloir. Les jours de parloir sont du mardi au samedi. Donc on rentre dans le local qui se situe donc juste, vous le voyez, en face de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Ça permet une proximité aux familles. Les familles sont appelées. Elle se présente là à une personne qui travaille pour la société IDEX et qui est chargée de gérer les parloirs, de prendre les rendez-vous et d'organiser les parloirs avec la détention. Alors du coup, on va entrer dans le local. Oui. Voilà, donc la personne se présente ici, elle a son rendez-vous parloir et elle attend dans le local. Elle dépose son portable, clé, dans des casiers qui sont ici et puis elle attend qu'on l'appelle pour aller au parloir. Voilà. Alors, je vois aussi qu'il y a un coin enfant. Il y a un espace qui est réservé plus particulièrement aux enfants, qui comporte des jeux, des petites tables, et puis il y a Jeune Lecture, une association qui vient faire des lectures tous les mercredis avec certains enfants pour inciter les enfants à lire. Voilà. Tu peux... Oui, bien hein sûr. Voilà. Si vous posez des questions, voilà. Comment on fait le circuit de personnes ? En principe, quand les gens ils arrivent ici, ils ne viennent pas vers nous. On repère dans l'attitude que c'est sans doute quelqu'un qui vient pour la première fois. Des fois, on l'entend parce que quand la personne va au guichet se faire répertorier, des fois, on entend dire « c'est la première fois que je viens ». Puis les gens vont s'asseoir rapidement. Donc c'est à nous à aller vers eux, disant « j'ai entendu » ou bien « il me semble que vous venez pour la première fois. Est-ce que vous avez besoin de renseignements supplémentaires ? Est-ce que vous savez comment ça se passe ? » Et voilà, à partir de là, la discussion peut s'engager. Donc moi j'explique comment se passe le premier parloir. Si tout se passe bien, ils ne sont pas dérangés pendant les 40 minutes de parloir. Qu'ils arrivent les premiers, que la personne détenue arrive après eux et qu'à la fin des 40 minutes, c'est la personne détenue qui part en premier, que tous les gens qui sont au parloir sont rassemblés dans une salle d'attente le temps que les détenus regagnent leur bâtiment. Voilà. Après, ils reviennent, ils récupèrent leur carte d'identité, reviennent ici, reprennent leurs affaires et voilà, c'est fini. Ça, c'est le déroulement. Après, il y a toujours des questions sur le linge. Qu'est-ce qu'on peut amener comme linge ? Donc, certains ont la liste, trouvent que ça ne va pas, mais c'est à nous à expliquer que c'est comme ça, il y a une règle, et que ce qui est marqué sur la liste du linge, on ne peut pas emmener plus que ça, les surveillants ne prennent pas plus de linge que ce qui est marqué sur la liste. Vous essayez de créer quoi comme ambiance ? Quelque chose de chaleureux, de convivial ? Oui. Je vois qu'il y a beaucoup de tables les unes à côté des autres. On essaye de mettre un peu d'humanité dans un lieu qui n'est pas très humain. Voilà. Convivialité, c'est beaucoup dire, au moins humanité. Propose du café, boisson chaude, nous. Après, il y a une machine pour les chocolats si les gens veulent autre chose. Mais nous, on propose thé, tisane et café. On est là, à l'écoute des gens. Des fois, les gens parlent, des fois, les gens ne parlent pas. Mais on est là. Il n'y a pas toujours de quoi faire la conversation. Il y a des gens qui ne souhaitent pas parler. Hein, donc, on respecte ça. Hein, on respecte l'attitude que chacun... Et ça, moi, ça fait 14 ans que je viens. On perçoit vite les gens. On a vite la perception des gens avec qui on va pouvoir parler et des gens avec qui... Laissez-moi tranquille. Hein. Voilà. Ça se perçoit très vite. Les gens qui viennent, qui s'assoient, qui ont leur téléphone ou un livre, lèvent pas le nez, on propose un café, ils n'en veulent pas. C'est une sensibilité, je veux dire, sociale, qu'on acquiert au fur et à mesure. Hein, voilà. Mais c'est vrai que des fois, des gens qui viennent pour la première fois, des bénévoles qui viennent pour la première fois, peuvent avoir le sentiment qu'on n'a rien fait. Mais on est là. On est là, voilà. Alors Daniel, vous m'avez dit précédemment que ça faisait 14 ans oui. que vous étiez bénévole au Didlo. Comment vous êtes arrivé là en fait ? Alors moi j'ai travaillé dans le social, médico-social. Hein. J'ai une formation d'éducatrice spécialisée, donc je suis assez sensible à tout ça. Avant de prendre ma retraite, je me suis demandé où est-ce que je pouvais me sentir utile dans un autre milieu que celui que je connaissais. Le monde du handicap, j'ai travaillé toute ma vie et je ne voulais pas être bénévole là où j'avais travaillé, je voulais découvrir autre chose. Et il se trouve que, alors vraiment d'une façon tout à fait par hasard, dans un vestiaire d'un club de sport, une accueillante du Didlo a parlé en disant « voilà, moi je suis bénévole à la maison d'accueil des familles à la prison, on manque de monde, si quelqu'un pouvait être intéressé, voilà ». Et je suis allée la voir en disant « moi je suis en retraite dans 6 mois et on en reparlera dans 6 mois, mais ça peut m'intéresser ». Et ce que j'ai fait, 6 mois après, je l'ai revue et elle m'a mis en contact ici avec les gens du conseil d'administration et qui recevaient les éventuels futurs bénévoles de l'association. Et puis voilà, j'ai suivi le cursus. Hein. Dans un premier temps, on est en doublure. Et puis après, on nous fait signer une charte de confidentialité. Voilà. Et puis après, on prend des temps tout seul sur la maison d'accueil. Quoi. Voilà. Voilà. Et pourquoi cette curiosité, cet intérêt pour le domaine du maintien du lien avec les personnes détenues ? C'est le lien de la famille, en fait. Moi, je travaillais dans un service de soins à domicile, donc je suis sensible aux liens familiaux, quelle que soit la difficulté qui est dans la famille. Donc la maison d'accueil des familles, ça a résonné en moi. Alors Agnès, bonjour. On m'a dit que vous étiez la doyenne des bénévoles juste avant de vous arrêter très récemment. Combien de temps vous avez été au Didlo ? 25 ans. Vous avez entendu parler de l'association et comment vous vous êtes engagée ? Tout simplement par une amie qui en faisait partie et qui un jour m'a demandé si ça m'intéressait. Voilà. Et j'ai essayé et je suis restée. Et qu'est-ce que vous préfériez comme action ? C'est-à-dire que parler avec les familles, les renseigner... Parce que souvent, quand les gens arrivaient, ils étaient un peu perdus. J'allais vers eux. J'attendais pas qu'ils viennent, j'allais vers eux. Parce que je sentais leur angoisse, leur difficulté. Et j'essayais de les rassurer. Voilà. Je me souviens d'une dame, sa fille était incarcérée. Et elle venait s'asseoir en face de la prison. Elle disait, j'ai l'impression d'être près d'elle, là. Et puis elle me dit... Est-ce qu'ils sont enchaînés dans les cellules ? Vous voyez ? Et ça, il fallait les rassurer. Dire, mais non, c'est pas comme ça. Vous faites partie des personnes qui passent par le Didlo. Depuis combien de temps vous connaissez le Didlo ? Depuis combien de temps ? Moi, il n'y a pas longtemps que mon fils vit ici, il y a 2 mois. Il y a 2 mois et demi qu'il est ici, et donc je viens le voir 2 fois dans la semaine. Parce que comme il est jugé, alors c'est 2 parloirs par semaine. Et ici, je suis accueilli plutôt très bien. Les gens sont accueillants, les gens sont souriants. C'est ça qui compte, c'est important. Hein, ils sont à notre réponse. Quand on parle, ils sont là. On demande des questions, ils sont là. C'est des gens vraiment accueillants. Et c'est des gens souriants. Puis ils sont bien avec nous. Ils sont à notre écoute. Qu'est-ce que ça représente à vos yeux, le Didlo ? Tant eux, des fois, on nous prépare l'oir, hein, parce qu'on serait dehors. On n'aurait forcément pas envie de venir, parce que si on vient de loin, on va rester dehors pendant 1 heure, et on a des enfants, les détenus, ils n'ont pas de parloir, des fois. Parce que pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie d'attraper le froid, puis les enfants aussi. Alors, je remercie le local et tous les gens qui travaillent, tous les bénévoles. Nadia, bonjour, vous faites partie des personnes qui sont accompagnées par le Didlo. Ça fait combien de temps que vous connaissez l'association ? Oh, ça fait quelques années. J'avais déjà entendu parler du Didlo déjà quand c'était Charles III, en bas. Et puis ça s'est poursuivi, j'ai vu qu'ils étaient présents aussi dans cette nouvelle prison. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le Didlo, en termes de maintien des liens avec vos proches ? je dirais pas que ça maintient les liens avec mes proches, mais en tout cas, ça nous accueille dans une bonne disposition et dans un temps chaleureux quand on va rendre visite à nos proches. Vous appréciez certains services en particulier qu'ils vous proposent ou certaines actions qu'ils organisent ? Déjà le bonjour, et puis de temps en temps, un café offert et puis une petite discussion. Ça met dans une bonne disposition avant d'aller au parloir. C'est ça. Merci à Antonin pour ce reportage au sein de l'association Le Didlot, la maison d'accueil des familles et amis de détenus en attente de parloir. Retrouvez l'association également sur internet, l'adresse ledidlot.free.fr. Des infos que vous retrouverez bien évidemment sur le site internet de la radio avec le podcast www.fadjet.net.